Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impact Wrestlers. Aujourd'hui, c'est une spéciale One Night Only avec toute l'équipe de Wrestlers Radio. Bonjour l'équipe. Bonjour, oui. Ouais, Salut. c'est Posty. Salut tout le monde. Moi, c'est Sébastien. Je vais faire les Et moi, c'est Renaud. présentations. Deux secondes. Donc avec nous, notre monteur, il fait tout sur Wrestlers Radio. Broustille. Oui, salut. Oh, bah, non, mais bon, faire tout, non, je vais pas faire toutes les analyses, quand même. Oui, il faut laisser un peu la place aux autres. C'est la démocratie, monsieur. Après, il y a Renaud qui a regardé le pay-per-view, bien sûr. Oui, j'ai regardé le pay-per-view parce qu'il y avait Van Damme contre Jerry Lynn et que moi ça me rappelle des souvenirs. Puis j'avais envie de voir les jeunes nouveaux, la bourrée de talent. Donc ouais, je suis là. Et il y a Sébastien, notre ami alsacien. Salut tout le monde. Moi je ne rate jamais les pay-per-view TNA, donc je suis toujours là. Mais est-ce que... Et Sébastien, bah, je voulais rebondir rapidement, bah, qui est quand même un footballeur qui va assez loin là, en Coupe d'Alsace des jeunes, me semble. Il n'y a pas vraiment de rapport, mais bon, pour ceux que ça intéresse, j'affronte le Racing Club de Strasbourg dans quelques jours. Pour Non, un mais petit voilà. club Bah... comme le mien, c'est très bien. Bah, voilà, c'est pour ça. Bah, on avait Alvero à l'époque, donc maintenant, Sébastien. Voilà. On rappelle quand même que c'est les moins de 19, hein. C'est ça? Ouais, les U19, ouais, c'est ça. Et je voulais rebondir aussi, tu n'as pas été déçu que ta Interelle n'était pas dans le pay-per-view? Ah, sa plastique m'a manqué, mais bon, son niveau in-ring, rien de gênant, hein. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure de ta Interelle, puisque dans un premier temps, on va faire la review de Extravaganza. On va décortiquer la carte et puis parler un petit peu aussi des retombées de ce pay-per-view. Et puis après, on va parler de Impact Wrestling, puisque la dernière édition, celle du jeudi 11 avril. 11 avril a été très importante puisque il y avait un programme assez dantesque pour cet Impact Wrestling et malheureusement les ratings n'ont pas trop suivi. Donc Bruce va lancer un petit jingle, d'ailleurs c'est le thème de Kenny King qui est présent dans ce pay-per-view. On se retrouve tout de suite après. On se retrouve après ce petit instant musical, grâce à Brucey, pour parler de Extravaganza, premier pay-per-view du nouveau calendrier des pay-per-view côté TNA. Donc, est-ce que Brucey, tu peux nous expliquer un petit peu le planning One Night Only, en quoi ça consiste? Bah oui, c'est assez simple parce que bon, déjà maintenant il n'y a plus que 4 pay-per-view en direct. Donc il y a déjà eu Genesis après Lockdown, donc qui est passé il n'y a pas longtemps. Il y aura Slammiversary en juin et puis après Bound for Glory en octobre, il me semble. Bound for Glory, c'est un petit peu le WrestleMania, hein. C'est le plus gros show pour la TNA. Enfin, pour la TNA, à l'échelle de la Oui, TNA, bien pour la sûr. TNA. C'est le gros show annuel. Et donc, cette année, il y a le concept donc One Night Only, c'est-à-dire que chaque premier vendredi du mois, en l'occurrence là, bah, ça a commencé le 5 avril, est diffusé un pay-per-view, mais qui n'est pas disponible uniquement que le 5 avril. Il peut s'acheter n'importe quand, hein, mais voilà, en l'occurrence, c'était diffusé là, la première fois, avec un thème bien précis à chaque fois. Bon, c'est enregistré à l'Impact Zone. Donc, bon, c'est un décor assez familier finalement. Donc, Mais et à chaque c'est fois, un moins cher thème aussi, Brossi. particulier. Oui, c'est moins cher, effectivement, aussi. Je ne connais pas précisément Surtout les qu'ils ont prix, mais tout enregistré quasiment en paquet, parce que les deux premiers, pour One Night Only, donc Extravaganza et le prochain, je crois que c'est Joker's Wild Tournament. Non. oui, qui est Oh, c'est sympa, consacré là. à oui, un tournoi par équipe. Voilà, à chaque Oui. fois, il y a un thème. Il y aura aussi un pay-per-view pour les knockouts. Un Oui, enfin bref. pay-per-view avec les légendes de la TNA, un truc comme Les ça. deux premiers ont été enregistrés en janvier, le 14, si je me rappelle bien. Le 12, pardon. Le 12 Ouais, c'est ça, janvier. deux pay-per-view enregistrés le même jour quand même, hein. Donc pour la Oui, foule, ça, c'est enfin, pas évident. là, ça va encore parce que... alors, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était au mois de mars. Ils ont enregistré, si je me rappelle bien, 6 pay-per-views en 3 jours. Il y avait dimanche, lundi, mardi qui est enregistré et 2 pay-per-views par jour. Donc, j'espère que le public Waouh! n'était pas le même parce que sinon, on va souffrir au niveau de l'ambiance. Mais bon, voilà, c'est au niveau économique, c'est plus rentable pour la TNA. Ce que je critique un petit peu parce que par rapport à la diffusion, par exemple celui qui va diffuser au mois de novembre, là il est enregistré au mois de mars, s'il y a un catcheur qui est pu attiéner entre deux alors qu'il était régulier au début de l'année, ça va pas trop le faire. Enfin bref. Donc oui, tous les premiers vendredis du mois, il y aura un pay-per-view de l'attiéner en plus de Lockdown, Slammiversary, Bound for Glory et Genesis. Et d'ailleurs, les 4 pay-per-views qu'on parle, qui ne sont pas enregistrés, qui sont en direct, seront délocalisés, pardon, par rapport un Impact Zone, ce ne sera pas à Orlando. Par exemple, Slammiversary, c'est à Boston cette année, c'est ça? C'est Oui. ça, ouais. Donc pourquoi Extravaganza, nous demande Gus Ben c'est très très sur le simple, parce chat. que Extravaganza, ben déjà le X, X-Division, et Extravaganza, c'est un genre de mot qui a rapport à la folie. La X-Division, ben, est caractérisée par cette folie dans les mouvements, quoi. Voilà. L'extravagance. Oui. Donc voilà, ben, il y a beaucoup d'actions folles. Ben, comme on a vu par exemple avec un clip, parce qu'il passait beaucoup de clips Ce au que fur et à je... mesure, bon, avec les meilleurs moments, hein, et parfois quelques moments un peu discutables, comme Brian Kendrick qui battait Abyss. Enfin, bref, ça c'était un peu particulier. Mais ouais, un bon clip par exemple avec tous les super moves qui ont caractérisé la X-Division. Là, il y a un paquet, quoi. Ce que j'ai Voilà. trouvé très bien d'ailleurs, comme ça remplissait un petit peu sans que ça soit redondant. Puis il y avait aussi quelques petites promos au micro Ouais, dans les j'ai bien coulisses. aimé aussi. J'ai bien aimé aussi ce concept de rappeler un peu l'histoire de la TNA par rapport aux prises, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le temps. Pour ceux qui n'ont pas vu la TNA comme moi, c'était sympa de regarder aussi ce qui s'est passé dans cette fédération. Donc j'ai bien aimé aussi ce truc entre les matchs, c'était pas mal. J'ai trouvé que les promos au micro étaient toutes bien. Bon, certaines forcément mieux que d'autres, par exemple celle de Kazarian et Christopher Daniels, mais je les ai trouvées toutes bien. Par contre, le truc que j'ai pas trouvé trop trop bien, c'est qu'il répète dans plusieurs clips que. Alors je crois que la phrase c'est Size doesn't matter. Enfin, la taille n'a pas d'importance, c'est la taille du cœur qui a l'importance. Sauf qu'il y a quelques semaines, Dixie Carter a mis une nouvelle règle pour l'X-Division. Et depuis 2 semaines, là, je crois, il y a une limite de poids à l'X-Division. Donc c'est pas trop cohérent par rapport au discours de la présidente, quoi. Ah ouais, Là, ça. on touche au problème du pay-per-view enregistré, hein. C'est typiquement ça. Hein. Bah oui, d'ailleurs, on verra clairement le problème du pay-per-view enregistré dans un match quand on défilera la carte. Donc. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec le premier match, le Escape Match, qui a démarré. Alors, Broussi, tu es mon bras droit dans cette Impact Wrestling. Explique-nous un petit peu le concept du Escape Match. Il y a beaucoup de Mais X. techniquement, le vainqueur, c'est à l'issue d'un match à élimination en général, Dans une mais cage. pas tout le temps, que ouais, dans une cage, mais avec un toit assez arrondi comme une coupole et une ouverture en haut. Bon, sauf que là, c'était pas le cas. C'était une simple cage, donc Steel Cage Match. En gros, c'est pour ça que c'est très particulier, là, ce concept d'Escape Match, parce que c'était pas celui qu'on connaissait vraiment, qui consistait bah, aux lutteurs qui sortaient du haut de la cage tout en haut par une petite ouverture. Hein. Alors que là, ben bah, non, fallait sortir juste d'une simple cage, quoi. C'est ça qui est un peu décevant, on va dire. Déjà, l'ensemble du match était décevant, mais. Donc on y revient peut-être aux participants, je pense. Il y a Gus qui nous demande, c'est peut-être bien de préciser, s'il y avait le ring à 6 côtés qu'il y avait à l'époque. Non, c'était un ring classique à 4 côtés, comme on a à Impact Wrestling. Ce qui est d'ailleurs peut-être un petit peu gênant pour ce premier match, parce que, enfin, comme il y avait 7 catcheurs impliqués, je vais faire la liste de tous les catcheurs dans quelques instants, je trouve que ça faisait un petit peu bordel dans ce petit ring de 6 mètres sur 6. Êtes-vous d'accord? Non? J'aime pas aussi le concept de faire des changements pour rentrer dans ce match. Ça m'a pas trop plu non plus. Je pense que pour ce type de match, il fallait mieux que tout le monde soit dans le ring en même temps et que ça parte véritablement dans tous les Ouais, sens. mais si tu mets C'était. tout le monde en Mais même ouais, temps à non. 7, ça fait un peu bordel. Moi, Déjà là. malheureusement, je vois ce qu'il veut dire Seb, mais je pense que ça aurait été vraiment trop le bordel. Déjà là, ça faisait un peu. Si, bah, ils étaient un peu serrés, quoi, les mecs, hein, dans cette cage comme ça, sur ce petit ring. Alors, ils attendaient derrière les cordes, heureusement, j'ai envie de dire, finalement, moi. Hein. Donc, non, sur ce coup-là, je rejoins pas Seb parce que je pense que ça aurait vraiment été trop le bordel. Puis en plus, les mecs, ils savent tout faire dans un ring, ils ont des prises de fou. Donc, comment ils auraient fait? Il n'y avait pas d'espace, c'était pas possible. Ils étaient obligés de faire comme ça, mais c'est vrai que bon, c'était un peu borderline, comme on dit. Donc, je vais faire la liste de tous les catcheurs impliqués. Il y avait Alex Silva, Jimmy Rave, Lindsay Dorado, Matt Bentley, Puma, Sam Shaw et Christian York. Donc je rappelle un petit peu qui sont ces messieurs. Donc, déjà, le dernier Escape Match, je dis peut-être une bêtise parce que je n'ai pas réussi à trouver les statistiques à propos de ce match. Normalement, le dernier, c'était à Lockdown de 2011, où il y avait les frères Bucks, Amazing Red, Brian Kendrick, Chris Sabin, Jay Lethal, Ruby et Suicide. Donc là, dans ce match, on avait donc Alex Silva et Sam Shaw, deux gagnants du code check en 2012. Ils s'étaient En rencontrés. plus, un troisième. Oui, non, mais attends, c'est parce que je vais expliquer quelque chose. Ils s'étaient rencontrés la dernière fois qu'on les avait vus à l'écran, c'était à Impact, le 13 novembre 2012, parce qu'il y avait eu un Impact spécial code check. Donc ils avaient eu un match l'un contre l'autre. Et je crois que c'était Sam Shaw qui avait gagné. L'autre gagnant du gut check qui était là, c'était Christian York. Lui, par contre, est plus régulier à la TNA puisque Samsho et Silva sont plus à l'OVW. D'ailleurs, Christian York a fait deux bons matchs à Impact contre Jeff Hardy et Bobby Roode à son arrivée. C'est un peu moins le cas depuis. Donc il y avait aussi Jimmy Rave qui avait fait équipe, je ne sais plus avec qui, j'ai oublié de vérifier. C'était pas avec Alex Shelley? Avec Lance Hoyt, il était en équipe Ah oui, un non, moment dans la Rock and Rave Infection, ça s'appelait l'équipe. merci Sébastien. Toi qui es le vétéran de la TNA. On peut dire ça. Tu suis depuis quand déjà la TNA? Je crois bien que c'était 2005 ou 2006, je sais plus, mais j'ai quasiment vécu toutes les années, sauf les trois premières, donc. Faudrait envoyer un tweet à Dixie Carter pour te remettre un trophée, hein, parce que c'est faut être motivé, hein, surtout avec la période 2010. Ah, c'est clair, ça change. Donc le dernier match de Rave, c'était le 13 juin 2011. Il avait participé au tournoi qui avait été organisé pour un contrat à la TNA, qu'Osnariz avait remporté. D'ailleurs, il était dans le match de qualification contre Osnariz et Kid Cash. Bentley, c'était dans le même cadre, ce tournoi pour un contrat à Destination X. Lui, par contre, c'était le 26 juin contre Loki et Jimmy Young. Puma, sa dernière apparition, c'était à la World X Cup 2008. Il avait fait son apparition au pay-per-view Victory Road. Enfin, il était pour l'équipe japonaise, même s'il n'est pas japonais. J'ajoute, oui, justement, ça, il est plus connu sous le nom de TJ Perkins. Bon, il a Voilà. notamment catché à la PWG. Voilà. D'ailleurs, j'ai Et vu. RH aussi. Et après, il y a aussi Rashad. Ah non, ça, c'est pas dans ce match-là. C'est pas grave. Il y a aussi Matt Bentley, qui est le cousin de Shawn Michaels, pour ceux qui ne le savaient pas. Bien. Bonne anecdote. Très bien. Qui s'appelait aussi à l'époque Michael Chains, donc ce qui est exactement l'inverse de Shawn Michaels. Ouais. Mais Michael Ouais. Shane, ils avaient changé parce qu'ils avaient des problèmes de droit à l'époque. La WWE avait un peu râlé. Bah, je crois que j'ai fait le tour des participants. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On va débuter avec Renault, tiens. Ouais, ben voilà, ben moi ça. Ben je vais redire un peu ce que j'ai dit. En fait, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de monde. À chaque fois, je voyais des gars arriver. Je me suis dit, bon, ça finira combien ça? J'ai vu qu'il était dans la cage et je me suis dit ah, ça va être un peu juste quoi parce que bon c'est un peu petit à l'intérieur, c'est pas le ring de la WWE. Finalement j'ai trouvé que c'était quand même bien qu'ils aient fait ce concept-là de rester derrière les cordes parce qu'ils auraient jamais pu s'exprimer, c'était juste pas possible. Donc au final j'ai trouvé que l'opener était sympa à voir, les prises étaient très bonnes, très bien effectuées. Moi je connais le plus que je connais dans l'affaire là c'est Christian York, que j'ai vu vite fait passer par la WCW, très vite aussi par la ECW. Puis je crois que j'avais vu à Genesis, Christian York, si je dis pas de bêtises, il avait enchaîné deux matchs contre Kenny King et Rob Van Damme, mais je sais plus si c'est à Genesis. Mais il me semble oui que c'est à Ouais, Genesis. voilà. Donc oui, et j'étais pratiquement sûr que c'est lui qui allait remporter le match d'ailleurs. Je te dis la vérité, donc Ah, c'est sur le ce. seul qui est régulier à la TNA. Les autres, Ouais, c'était juste des voilà. apparitions d'un soir Ouais, quasiment. j'avais bien compris que les autres, c'était des apparitions, donc je savais que c'était le grand favori du match. Moi, j'ai pas été déçu, c'était un bon opener, sympa. Sébastien, vous aussi. Bah, le match, moi, il m'a pas mal déçu parce que bah, c'est surtout la typographie, parce qu'Xscape Match, donc comme on a dit avant, bah, Ouais, normalement, c'est c'est dans la grosse case rouge. Hein. plus pleinement exploité. Et puis, ouais, l'espace sur le ring, c'est pas le même que pour le ring octogonal à six côtés. Donc, il y a moins de terrain d'expression. Et là, en fait, bah, les gars, il y a eu des différences un peu d'engagement, quoi. Le point positif du match, c'est Samsho qui a montré de réels progrès. Ça se voit. Bon, il a une formation à l'OVW, qui est le territoire de développement de la TNA. Bah, il a fait bah, les bonnes choses dans le match, je serais tenté de dire. Avec quelques bons trucs judicieux aussi de Bentley. Bah, déception, c'est beaucoup Puma, parce que bah, lui, dans le genre qui n'a pas pu s'exprimer, bah, il tombe bien. Alors que c'est un gars que j'adore voir évoluer sur le ring. Il a une rapidité à la Amazing Red, d'ailleurs, qui est un des grands absents du pay-per-view avec AJ Styles. Mais voilà, bon, c'est juste dommage donc qu'il y ait eu ce processus d'élimination comme ça, qu'il ait fait partir vite. Sinon, Alex Silva, bah, c'est toujours pas ça, mais bon, voilà. Bah, écoute, moi, il m'a laissé jusque-là, toujours circonspect à chaque fois que je l'ai vu, donc ça n'a pas Pourtant, changé. tu l'avais vu à l'ROH, hein, il me semble. Ouais, mais bon. Bah ouais, mais non, mais bon. Bah, depuis, il n'a pas progressé, il a régressé, quoi. Mais donc, sinon, bah, le vainqueur, ouais, il est logique, ça, je suis d'accord. Christian York, mais bon, le truc, c'est que bah, il est clairement pas à l'aise dans ce. dans cet univers de l'X-Division, parce que c'est pas son style, quoi. On l'a vu, il a livré ses meilleurs matchs contre Jeff Hardy. Donc, il est vraiment pas typé X-Division, en fait, Christian. C'est ça le petit souci. Et dernière petite précision sur le match, juste Jimmy Rave, ben, c'est l'illustration que oui, c'était vraiment les passages d'un jour. Parce que d'un soir, parce que depuis, bah, il est pleinement à l'Aéroage. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance de revoir un de ces gars-là à part les trois du Gut Check. D'ailleurs, je pense que Christian York, son problème, c'est qu'il était peut-être typé X-Division à l'époque où il a fait son passage à l'ECW. Et je pense que maintenant, avec l'âge, c'est plus trop ça. Il a pas la rapidité, pardon, qu'il faut pour l'X-Division. Sébastien. Ouais, moi j'ai pas été très très fan de cet opener parce que le concept déjà je trouve qui est très mauvais. Et aussi il n'y avait pas d'enjeu parce que au final, ok, tu sors une stipulation, mais bon, le gagnant, qu'est-ce qu'il gagne au final? Pas grand-chose. Hein. Donc de ce côté-là, moi j'ai pas été plus emballé que ça. Même s'il y avait beaucoup d'action, mais bon, j'ai quasiment rien retenu à part le finish de Jimmy Rave, moi que j'adore ce finish. Mais d'ailleurs, c'est pas un finish qu'utilisait Kurt Hawkins à un moment, à la W2. C'est possible qu'il l'ait déjà utilisé, ouais, c'est Je crois vrai. que je l'ai déjà vu dans quelques-uns de ces matchs à C'est quoi Superstars. cette prise, déjà? Ouf, ça serait dur à t'expliquer. Comment le décrire? Je pense, il me semble Il y a tellement que. d'actions que je me souviens même plus. Il me semble qu'il met sa. On dirait, je crois qu'il se place en Russian leg sweep, qu'il chope la jambe et qu'il fait. Bah, qu'il Qu'il se fait. retourne en fait Ouais, sur voilà. lui-même. Ça serait assez dur à expliquer, mais c'est une prise assez rapide et Et assez visuellement, ça a de l'effet, ouais. un peu comme un crossroads quoi, enfin dans la je veux dire dans la rapidité d'exécution, Ouais, c'est pas la ouais. même prise mais. Non, sinon le résultat est logique parce que c'est normal que la TNA mette en avant les catcheurs qui sont dans le roster et qui sont actifs. Donc de ce côté-là, rien d'autre à ajouter. Lince Dorado faisait ses débuts dans ce à la TNA en tout cas. Et moi j'ai été assez surpris, enfin. Je connaissais pas plus que ça parce que je le connaissais parce que j'avais déjà vu son nom dans quelques-uns des shows indépendants des États-Unis, mais j'avais jamais vu en action. Et le peu de temps qu'on l'a vu à l'écran, j'ai trouvé qu'il a réussi à captiver l'attention des téléspectateurs, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Ah oui, c'est vrai que moi je le connais bien, je n'en ai pas parlé de lui, mais bah, parce que bon, j'étais aussi déçu, ouais, bah, il a pu peu s'exprimer lui aussi, bah, il est un peu comme Puma, il a un peu les mêmes caractéristiques, ce sont des gars hyper explosifs, ouais. Ils sont vraiment typés X-Division, ouais, mine de rien. Ouais. Donc, mais bon, c'est juste dommage de ne pas les avoir vus plus s'exprimer, donc c'est pour ça peut-être la déception, pour ma part. Bon, je vais pas en rajouter plus, je suis assez d'accord avec Sébastien, parce que je suis pas spécialement fan du match. Je trouve aussi que ça faisait trop bordel. Donc on va passer au match suivant, qui était un match par équipe. Entre une équipe old school, comme l'a dit Mike Tinay, Douglas Williams, l'anglais avec Cash, pardon, l'américain, contre Rashad Cameron et Tony Nese. Oui, et puis Douglas Williams, c'est qu'il cache deux anciens champions X-Division, surtout. Voilà. Oui. Il y a très longtemps, mais oui. Pour qu'il cache, ouais, pour Douglas Williams, un peu plus récent. Effectivement. Un peu plus récent, c'était un peu Il a un avant son sacré époque physique, hein, Scorpio. Douglas Williams, hein, pourtant. Ah C'est oui, pas, non, mais c'est. c'est quand même pas le plus fin. On parlait tout à l'heure de Christian York par rapport à la X-Division, mais Oui, alors non, lui. non, mais il est dans le style britannique, quoi, voilà, c'est. Ouais, complètement. Il est très technique et puis bon, bah, c'est ce qu'il a montré là, mais clairement, le match là, c'était les vieux, entre guillemets, qui étaient là pour montrer les jeunes. Et paradoxalement, les jeunes, mais eux, entre Rashad Cameron, qui est beaucoup plus à CZW, quoique lui, on ne sait pas trop actuellement ce qu'il fait, mais bon. Et puis Anthony Nese, qui actuellement, bah, il a carrément signé un contrat à Dragon Gate USA, donc il n'est pas prêt de revenir à TNA. Mais voilà, Nese, bah, il a montré d'excellentes aptitudes. Moi, je me souviens, il avait déjà lutté pour la TNA lors d'une petite période. C'était lors de l'arrivée au Sidima Ion. Ils avaient fait un match meilleur des 5 matchs. Il avait montré de belles choses. Donc, moi, ça me fait plaisir de le voir. De toute façon, je connais assez bien Hunter sur Circuit Indépendant. Voilà, c'était sympa. Et puis, le match était bien fait. Bon, évidemment, à la fin, il fallait que les. Entre guillemets réguliers à la TNA apparaissent, même si maintenant Williams et Cash, bah, ils font beaucoup plus coach que catcheur, mais bon. Mais c'est voilà. Cash n'est même Bon, plus c'est sous contrat. Hein. sympa. Il est parti. Il n'était pas. Ah Enfin, oui, il n'est pas depuis, c'est apparu. vrai carrément. Ah Il n'est oui, pas c'est vrai apparu depuis. pendant quelques mois et il y avait une rumeur comme quoi il était parti. Il avait démenti. Puis en fait, 2 semaines après, il a avoué que il n'était plus sous contrat avec la TNA. Ah ben voilà, premier paradoxe du pay-per-view, donc clairement exprimé, un catcheur qui est plus sous contrat, ben là on le voit lutter. Je vais passer la parole à Sébastien. Ouais, moi j'ai plutôt apprécié ce combat, hein. C'est une belle opposition entre deux catcheurs anciens, deux catcheurs nouveaux. Je trouve que l'alchimie était très bonne. Ça raconte aussi une petite histoire avec les jeunes qui veulent essayer de détrôner entre guillemets les vieux. Et au final, ça passe très bien. Il y a eu des beaux mouvements avec notamment Anthony Nice que moi j'ai apprécié énormément. C'est d'ailleurs une erreur que la TNA n'ait pas essayé de le faire signer à Destination X 2011 parce qu'il était comme l'un des participants pour obtenir un contrat. Donc je pense qu'il aurait pu faire quelque chose sur le long terme à la TNA. Dommage de l'avoir laissé passer. Après, le résultat, comme vous l'avez dit, est plutôt logique hein, pour faire gagner les réguliers. Et bon match, ouais, bon match. D'ailleurs, Nice était parti sur un contentieux avec la TNA, puisque les catcheurs qui sont sous contrat de manière régulière avec la TNA, enfin même je crois même que quand ils sont pas sous contrat régulièrement, ils n'ont pas le droit d'apparaître dans des shows télévisés. Donc ça posait problème pour lui, parce qu'il devait combattre pour la Pro Wrestling Syndicate dans un match avec le Great Muta, qui n'est pas n'importe qui. Et donc ben forcément il a préféré partir de la TNA. D'ailleurs il n'y a pas beaucoup non plus beaucoup d'exposition pour pouvoir aller faire ce match contre le Great Muta à la PWS. Kid Cash et Doug Williams, je les connaissais, mais par contre, Anthony Nice, je ne connaissais pas et c'est beau quoi. Avoir catché, c'est vraiment. C'est fluide, c'est propre, c'est magnifique. Quand il est rentré, quand il y a eu le tag, parce que j'ai trouvé quand même que Kid Cash et Doug Williams, ils ont bien cassé le rythme du match à un moment donné, en plein milieu, quand ils avaient la domination, là. Mais par contre, quand ce Nice est rentré, même son saut à un moment donné à l'extérieur du ring, où il retombe sur ses pieds, c'est vraiment magnifique à voir. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu ce gars catcher, n'hésitez pas à poser vos yeux dessus parce que c'est magique. Donc oui, j'ai bien aimé ce combat, c'était très bon. Et ce gars-là, ce Anthony Nice, maintenant, moi, ben, écoutez, je vais le suivre de près. Je vais essayer de retrouver des vidéos de lui et voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment ce que j'aime voir, quoi. Donc rendez-vous à Evolve et Dragon Gate USA. Et ben écoute, si j'ai le temps, moi je vais pas maintenant j'hésiterai pas à poser mes yeux sur certains shows, dès que je le pourrai. C'est vrai que je suis assez pris, mais quand je peux, je vais pas hésiter parce que c'est ce que j'aime voir, quoi, clairement. D'ailleurs, ouais, moi aussi j'ai bien aimé le style du match, le style agressif de Williams et Cash et le style aérien de Cameron et Nice. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé Cameron lors de son passage lors du tournoi, même s'il avait montré de belles aptitudes. Je trouvais pas terrible, mais dans ce match, il m'a bien surpris. Donc j'étais content de sa prestation. Ce que je suis moins content, c'est l'utilisation de Douglas Williams, que je trouve juste parfait dans ce rôle de Britannique technique. Et je trouve qu'il n'a pas été assez utilisé au fil des années à la TNA, à part dans l'équipe British Invasion avec Magnus. Je trouve qu'il aurait fait un super champion. Un champion, je sais pas, télévision, même s'il a déjà été télévision, mais je veux dire, il aurait fait un super mid-carder pour propulser les jeunes, et la TNA ne l'a pas trop utilisé. Est-ce qu'on passe au match Et suivant? Ah. au passage, le finish de Douglas Williams, moi, il m'impressionne toujours autant le Rolling Chaos. Là, j'adore cette prise. Ouais, cette German Suplex. Ouais, qui lève, je crois que c'est Nice qui prend le tombé. Il lève comme un point mort Nice. C'est magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je crois que Douglas Williams est champion majeur à l'OVW. Ben si, on en avait parlé récemment, oui. Non, mais ça a peut-être changé, hein, depuis. Parce que Non, il l'OVW. est. Il avait fait un match nul la dernière fois, donc. Il avait remporté d'ailleurs son titre dans un match en cage. En utilisant ce finish. Est-ce qu'on passe au match suivant, messieurs? Ah ouais. Allons-y. C'est un match simple cette fois-ci, entre Chavo Guerrero Jr. et Robbie E, avec un arbitre spécial qui n'a rien d'exhibition, Joseph Park. Si j'avais su qu'on passait à ce match-là, j'aurais dit non, mais bon. Moi aussi, Obligé. mais faut bien en parler. Joseph Park, alias Abyss, même si, storylinement parlant, ce n'est Son pas frère. avoué. Oui, voilà, dans la storyline, c'est son frère. Donc Abyss, ancien champion X-Division, dans la période noire de la TNA. Je vais passer la parole à Sébastien, tiens. Ah, c'est le gros point noir de la soirée, on va dire, Je suis pas hein. d'accord. Enfin, pour moi, Ah. le point noir, c'est pas dans le match. J'en parlerai vers la fin. Ah bon. Avant. On verra ça. Personnellement, pas vraiment l'intérêt de voir ce match parce qu'il n'est pas très bon, il est très moyen même. Thiago Guerreiro n'a jamais catché pour l'ex-division, donc même on peut même se demander qu'est-ce qu'il fait là. Elle l'a dit dans sa Roby. promo d'avant-match que c'est un ancien champion cruiserweight, qu'il fait Ouais. partie d'une famille mexicaine, donc Lucha Libre, et Lucha Libre comme ça a inspiré les cruiserweight à la Non, WCW. non, non, mais il est allé plus loin dans son discours, et c'est ça qui m'a énervé et qui rend complètement con, c'est qu'il a carrément dit que les Guerrero sont à l'origine de la X-Division, indirectement, c'est eux qui ont tout fait pour ce genre de lutte. Voilà. J'ai pas apprécié non plus. C'est ce qui m'énerve généralement, que j'avoue, enfin, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais je trouve que, bon, le catcheur est great, mais il tire de sa famille sa popularité, sinon il n'a rien de particulier. Ouais, complètement. C'est ça. Ça fait Ben des oui, années. là, il citait son grand-père, par exemple, Guri Guerrero. Voilà, ben, ça n'a rien à voir, quoi. C'était le plus grand luchador à son époque, oui. Non, mais puis J'avoue. même à la WWE, je trouve qu'à la WWE, Il a toujours été en dessous de Eddie, il a toujours été en dessous, de toute façon, de Chavo, hein, même à la WCW, du temps de la WCW, son utilisation, hein, tu sais qu'il rentrait avec, comment dire, avec une tête de cheval sur un bout de bois. Il la mettait entre les jambes et il faisait son entrée comme s'il tapait sur le bout de bois. Bon, après ça, c'est des gimmicks, hein, mais il c'était pas un mauvais catcheur. Déjà, à l'époque, il était plus rapide, c'est sûr, il était plus jeune, mais ça a toujours été, moi aussi, hein, je trouve, tu as raison de dire ça, je trouve aussi que vraiment, il profite de son nom quand même, Chavo, pour se mettre encore plus en avant, hein, ça me gêne aussi beaucoup, ouais. Oui, j'allais dire que moi je trouve à la WWE, le seul moment où il a été brillant, c'est quand il a eu sa rivalité contre Mysterio. Et là encore, c'était une utilisation de sa famille. Chavo, c'est pas un mauvais catcheur, ça on peut pas le dire, mais c'est vrai qu'il a jamais eu cette connexion qui fait de lui qui restera comme un catcheur ultra populaire. Enfin, il lui manque un truc, on va dire. Après, la victoire est plutôt logique, hein, parce que Roby, ancien champion X-Division, mais bon, c'est plutôt un jobber actuellement, donc rien de plus à rajouter. Bah oui, il a perdu contre Rob Terry, donc c'est dire la tristesse de son niveau, quoi. Est-ce que Bruce Lee, t'as quelque chose à ajouter sur le match? Non, à part quelques deux trois trucs propres, mais du classique et du genre la série des les tres amigos, enfin, je sais plus comment les appeler, Tres tres Amigos. Amigos, ouais. voilà, j'allais dire les Three Amigos, ça va être un Il le mélange. faisait des fois aussi, Et il me ouais, semble. le Frog Splash, bah écoute, de toute façon, il est habitué, il fait que ça, donc c'est pour copier Eddie, voilà, c'est l'exemple. Il n'a pas de Et personnalité propre, donc forcément. au passage, dans le clip promotionnel de ce show Extravaganza, le résultat du match était donné parce qu'on voyait Chavo Guerrero faire son frog splash et Joseph Parr faire le compte de 3 pendant ce clip. Donc ça spoilait déjà le show, donc ça, Oh j'ai là trouvé que là c'était assez mauvais. là. D'ailleurs, on va faire un petit aparté, mais vraiment rapide. Au niveau du hype du pay-per-view, je trouve ça vraiment mauvais parce qu'ils n'en ont pas parlé dans Impact, à part dans celui qui précédait Extravaganza, où ils ont fait un petit clip avant le match X-Division, qui était plutôt bon d'ailleurs, un match à 3. Mais ils n'en ont pas parlé, à part sur leur site et sur les réseaux sociaux, quoi. Je trouve Non, mais ça pour moi, totalement con. de manière générale, la TNA ne sait pas bien se vendre. On en reparlera bien plus tard tout à l'heure, mais pour moi, elle sait pas bien se vendre. Donc à partir de là, elle met pas suffisamment bien ses produits en valeur. C'est dommage. Donc next, Oui. c'était un match Ultimate X entre Kenny King, Mason Andrews, Rubix et Z-Marion. Est-ce que tu connaissais ces catcheurs, Renaud? Alors, comment on dit, Zimayon, c'est ça? Oui. Zimayon. Oui, mais Zimayon, oui, et Kenny King aussi. Les deux autres, non. Qui est francophone d'ailleurs, Z-Marion. Ah si, Mason Andrews, tu dois le connaître. Hein. Il est apparu à la WWE dans les thérapies entre Oui, Kane et Daniel Bryan. c'était Ah ben Harold. oui, d'accord, ok. Harold, c'est ça, voilà. D'accord, ben tu sais quoi, j'ai même pas fait. Ça m'a pas fait tilt sur le moment, mais ouais, Bon, bah alors après, oui. c'est normal, c'était Donc il n'y un a que Royal Stash. Rubix. D'ailleurs, Taz m'a bien saoulé à dire Rubik pendant tout le match, Ah, perso. ben, on va en revenir tout de Bon, suite. ça manque du respect du gars, surtout que c'est Oh, c'est Jigsaw, lourd, quoi. quoi, c'est Chikara, lourd. c'est un gars qui fait un excellent boulot, et puis, ben, ouais. Non, mais Taz, ouais, de manière générale, ben, c'est l'illustration qui a été lamentable au commentaire, quoi. On va en venir tout de suite à le point noir pour moi du pay-per-view, les commentaires, parce que Taz était non seulement d'habitude il est chiant, mais alors là encore plus parce qu'il était dans sa gimmick de mec des SS Knights, donc qui contredit tout le temps Mike Tinay, et dans tous les matchs, il parlait, je l'ai trouvé, hein, il parlait plus de choses qui étaient en dehors du match, qui ne concernaient pas le match, que du match en lui-même. Rubik's Cube, là, c'est l'exemple. Dans le match entre Petit Williams et Sonjay Dutt contre Bad Influence, Il disait tout le temps, ouais, Sanjay Dutt, moi je le voyais champion exhibition à l'époque. Tout le temps, et pendant le match Jacqueline contre Vandamme, il critiquait le fait que Jacqueline fasse une tournée pour sa retraite, ce que lui n'a pas fait à l'époque. J'ai trouvé Taz complètement casse-couille pendant ce pay-per-view. Ouais, pareil que toi. Surtout que M'a c'est gonflé. une soirée qui est censée être détachée des storylines, alors j'aurais aimé que Taz soit objectif et ne soit pas en mode Ice Season Ace pour le show, parce que c'est vrai qu'il a descendu l'action plus qu'autre chose. J'aurais préféré d'ailleurs, moi, que ce soit Todd Kenelly pour remplacer Taz, parce que autant à l'époque ils n'avaient que deux commentateurs, mais depuis plus de 6 mois, maintenant ils ont Todd Kenelly qui fait partie du trio de commentateurs à Impact. J'aurais largement préféré Todd Kenelly à la place Mais le de problème, ouais, Taz, c'est que Todd surtout qu'il connaît Kennelly, les c'est. prises, lui. Oui, et Todd Kennelly, en fait, il est voué être dans le futur, je sais pas, plus ou moins proche, être le remplaçant de McTeeny, évidemment, qui est en fait carrière. Donc le match en lui-même, est très différent des commentaires, il est absolument excellent. Il y a d'excellentes transitions entre quatre mecs hyper talentueux. Moi, j'adore les quatre mecs, donc à partir de là, et puis il y a de très bons trucs, et notamment Mason Andrews et Jigsaw, paradoxalement, les deux gars qui sont pas réguliers, qui ont été très très bons, même Sizzyma Ion, évidemment aussi, il a fait son taf. Kinekick un peu plus discret, mais ça a beaucoup joué sur la stipu à la fin, parce que la stipu, il faut bien retomber à LEX. Il l'a arraché des mains de Rubix en le tenant sur les épaules, donc comme ça, c'est comme ça qu'il a gagné. Mais sinon, oui, c'est un match à voir, honnêtement. Ces matchs-là, de toute façon, ils déçoivent jamais. De mémoire, je n'ai jamais été déçu par un match en particulier, donc de ce style de stipule. Renault. Ouais, j'ai adoré. Excellent combat. Vraiment des prises qu'on voit pas à la WWE. Donc faut vraiment poser ses yeux sur ça parce que c'est magique, c'est génial. Ça va vite. Il y a des prises de partout. Ça part dans tous les sens. J'étais comme un fou devant l'écran. Je me suis régalé. Donc j'ai vraiment adoré. C'était super. Renault ne se serait pas-t-il transformé en Patrick Sébastien parce qu'il a dit c'est magnifique, c'est génial. C'est magnifique, c'est génial, on fait tourner les serviettes. Non mais ouais, c'est magnifique, c'est génial, donc j'ai pas d'autres mots en fait pour décrire le truc. Ça part dans tous les sens, alors je sais pas trop quoi dire quoi par rapport aux prises et tout, ça va tellement vite, mais c'est beau quoi, c'est vraiment des trucs qu'on peut pas voir à la WWE, ça c'est sûr donc. Petite question, est-ce que c'était ton premier Ultimate X ou tu en as déjà vu auparavant? Non, c'était le premier Ultimate X que j'ai eu. Bah heureusement que t'es tombé sur celui-là parce que ça fait qu'il y en a eu quelques-uns hein, beaucoup moins bons il y a l'année dernière et il y a 2 ans. Je me souviens d'un Ultimate X avec Amazing Red et Robbie E. Il y avait quelques spots intéressants mais c'était assez pauvre dans le ring. Moi, je vais enchaîner sur ce point-là parce que moi j'ai vu quasiment tous les Ultimate X et c'est vrai que depuis quelques années, les Ultimate X sont d'une durée de très faible, c'est 10 minutes maximum et les spots sont pas formidables à part le spot de fin en général qui laisse une bonne impression, mais le reste du match est pas terrible. Et là, avec ce Ultimate X, j'ai retrouvé un concept que j'adore depuis le début, avec un bon match de quasiment un quart d'heure, il me semble. Et c'est du début à la fin, c'était bon. Donc, c'est un des tout meilleurs Ultimate X depuis quelques années, et j'ai vraiment apprécié. Donc je suis bien tombé alors. Très bien même. Moi il y a quelques spots quand même qui m'ont marqué. C'est Rubix. D'ailleurs il s'appelle Jigsaw et sur le d'autres fédérations il catch à la Chikara. Et il y a pas C'est longtemps il ça. a fait un match par équipe contre Justin Thunder Liger. Oh, Voilà. le haut C'est niveau, quoi. ouais voilà. Donc pour dire quand même que le mec même si à la TNA il est pas trop connu, il a quand même un certain niveau. Donc Rubix oui son Hurricane Rana à partir des cordes. Le moment où Zimayon est projeté dans le pylône, et puis il y a aussi Ah oui, oui, oui. il y a aussi je crois que c'est Rubix qui le porte sur Mason Andrews, un reverse TKO, ils sont tous les deux accrochés, puis il les retombe comme ça pour lui écraser la face. Je trouvais ça quand même assez beau, et j'étais content que dans ce match il y avait des prises de risque qui n'étaient parfois qui n'étaient pas trop communes, pas trop simples. C'est ça, ils font des prises de risque, mais en plus, ils y réussissent. Donc, quand tu arrives à faire des choses qu'on voit pratiquement jamais, mais qu'en plus tu réussis, ça prouve le niveau des gars. À ce niveau-là, c'est des magiciens, les mecs. Ouais, Des parce qu'il artistes. y avait eu un Ultimate X match à Destination X l'année dernière, et c'est là où Sanjay Dutt d'ailleurs s'était blessé en faisant son standing shooting star, bref, il s'était blessé au bras, il avait cogné un peu dans les cordes. Et bah justement là, je crois qu'il y avait eu un ou deux botches, ce qui gâchait un peu le truc, même si le match était assez bon. Mais ce qui est plaisant dans ce match, c'est qu'il n'y a aucun botch et c'est très très beau à voir. Next. Yes. Un match par équipe, encore une fois. C'est le deuxième de la soirée. Entre Bad Influence, Christopher Daniels et Kazarian. Contre Petit Williams et Sonjay Dutt. Je vais passer la parole à Brucey parce que c'est un gros fan de Petit Williams. Oh bah oui, évidemment, bah de son style et tout, bah c'était quand même bah un des plus grands tout simplement de l'X-Division hein, à l'époque. Bah il représentait la fameuse Team Canada qui a aidé par exemple à l'essor de Bobby Roode. Bah ça situe un petit peu le personnage qui faisait beaucoup avec Chris Sabin et AJ Styles. C'était un âge d'or de l'X-Division à l'époque. Et puis bah disons qu'il était parti en très mauvais termes en 2009 parce qu'il était forcé de d'adopter bah, carrément même le look un petit peu de Scott Steiner avec les cheveux et tout, donc ça lui plaisait pas du tout et dès qu'il a pu il s'est barré donc mais apparemment bah, s'il signe son retour hein, c'était les prémices déjà là et puis dernièrement il a lutté aussi, il a gagné un match à 3 contre Mason Andrews et Sonjay Dutt. Donc apparemment bah, il semble de retour à TNA, ma foi je suis complètement pour. Et puis bah et puis quand on voit ce qu'il montre encore dans le match, ses transitions de prise, c'est absolument exceptionnel quoi. C'est l'arsenal complet, c'est il en remonte et puis il arrive à faire des combinaisons de deux prises à la fois sur Kazarian et Daniels. Je vais pas citer les prises en particulier tellement elles sont nombreuses. Bon après la déception évidemment c'est de ne pas l'avoir vu faire le Canadian Destroyer pendant le match. Il a fait après donc ça c'est un kiff au moins. Et puis Kazarian le vend très très bien. Mais ouais, pendant le match, de toute façon, la victoire de Bad Influence, c'est logique. Parce que bah, eux, c'est l'équipe stable, évidemment, de la TNA. Et puis, mais Sonjay Dutt aussi a montré d'excellentes aptitudes. Donc, mine de rien, ces quatre-là sont réguliers. Donc, maintenant à la TNA. Donc, ce serait pas désagréable de les voir à l'avenir battre pour l'équipe par équipe. On sait jamais. D'ailleurs, son dernier match, si on compte pas celui qui a fait un impact il y a 2 semaines, c'était en 2009. C'était un impact dans un match par équipe avec Eric Young, son copain de la Team Canada, contre les Beer Money Inc. pour les ceintures par équipe. Je vais passer la parole à Renaud qui a bien aimé Sonjay Dutt. Oui, bon, déjà, les quatre athlètes, ils sont vraiment exceptionnels. Ça, c'est clair. Après, ce Sonjay Dutt, là, c'est la première fois que je voyais ce mec. Et quand il est rentré pendant le match, pff, il a vendu du rêve. J'ai adoré. Je me suis régalé du début à la fin. La team Kazarian Daniels, je la kiffe. J'ai déjà regardé quelques combats et ces deux mecs, j'adore. J'adore même leur façon de faire. Déjà, les prises, bon, ils sont super, mais même leur façon de faire, leur façon d'être, j'adore. Kazarian et Daniels, mais c'est vrai que ce Sonjay Dutt là, c'est la première fois que je voyais ce mec et ah, ça vend du rêve, c'était super. Petey Williams, on sent vraiment il faut qu'il fasse le Canadian Destroyer, c'est un truc attendu quoi. J'ai senti vraiment que le public de la TNA, il attend vraiment avec impatience cette prise et il la sort pas pendant le match et finalement il la sort à la fin, comme si c'était le petit truc en plus quoi, la cerise sur le gâteau. J'ai noté aussi la clothesline de Kazarian sur Daniels sur le truc à la fin justement quand il tenait. La clothesline de Kazarian, il a été comme un fou sur Daniels. Ça a claqué, Daniels est tombé au sol très vite. Donc c'est un combat que j'ai kiffé. Pour moi, c'est le meilleur combat pour l'instant. J'ai bien aimé celui de la X Division là, avec le petit X à aller chercher. Comment s'appelle déjà le concept? Ça ne me rappelle plus. Ultimate X. Ultimate X, voilà. On venait d'en parler. Donc Ultimate X, j'ai vraiment bien aimé. Mais celui-là, je dirais que c'est le plus qui m'a fait marquer. Donc c'est très bien comme ça. Je me suis régalé. Vraiment. Sébastien. Moi, je suis complètement Renaud. Moi, je dirais même que c'est le match que j'ai préféré de la soirée. Parce qu'on s'y attendait pas à que ce soit si bon, en fait. Hein. On pensait que ce serait un bon match, mais sans plus. Mais finalement, c'était véritablement un très bon match. Avec Bad Influence qui est toujours aussi bon hein, comme équipe. Ça, on peut pas le nier. Je pense que c'est la meilleure équipe de 2013 actuellement. Ensuite, Petey Williams, on le connaît tous pour les anciens de la TNA et c'est toujours un plaisir de voir catcher avec son fameux Canadian Destroyer. C'est une prise que tu as envie de voir à chaque fois et tu t'en lasses jamais. Et Sonjay Dutt, qui est un très bon athlète et malheureusement il n'a jamais touché encore au titre X-Division, ce qui est très dommage parce qu'il le mérite amplement. Mais à chaque fois qu'il catch, le gars fait son job, il délivre de l'action et c'est toujours un régal de le voir catcher. Donc moi j'ai vraiment adoré ce combat. Je pense qu'il aurait pu l'avoir le titre X Division de l'année dernière si c'était pas blessé au bras. Ça l'avait handicapé pendant quelques semaines. Et Williams, il a remporté deux fois le titre. Et je rassurerai mes trois copains, Petit Williams sera assez présent dans les pay-per-view One Night Only les mois suivants. Ça, c'est une grosse nouvelle, hein. Vu la Bon, et plus qualité du gars. oui. Et plus généralement à la TNA, parce que bah déjà, avec son match gagné il y a 2 semaines, bah il sera dans le prochain match pour le titre Exhibition qui rassemblera donc trois lutteurs. Oui, est-ce qu'on va Deux revoir pour. Sonjay Dutt? Une grande C'est chance. ça la question. Pas lors de ce match en tout cas, vu que Sonjay Dutt a été battu dans le match que Williams a gagné. Mais ouais, ce serait bien effectivement. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'ils vont faire assez tourner les catchers Exhibition pour pas trop que ça soit répétitif à Impact. Parce que surtout que ça sera des triple threats à chaque fois. Je pense qu'ils vont pas mal tourner. Par mois, ouais. Est-ce qu'on passe à la suite, messieurs? Donc on va passer au match peut-être le plus attendu de la soirée entre Rob Van Dam et Jerry Lynn dans un no disqualification match. Je vais passer la parole à Sébastien d'abord. Alors moi, je n'ai pas connu la grande époque de la rivalité Rob Van Dam contre Jerry Lynn. Moi, j'ai connu la rivalité qui a eu lieu l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus, entre ces deux catcheurs. C'était à la TNA et ça s'est conclu sur un match à Bound for Glory. C'était quasiment le même match que celui qu'on a eu à Extravaganza. Mais encore une fois, moi, j'ai vraiment apprécié ce combat. C'est toujours efficace de voir leur façon de catcher avec les objets, etc. Même si t'es pas fan de catch, tu peux apprécier le combat, comme Rob Van Dam l'a dit dans une réaction d'après-match. Et après, il y a quelques botches, mais bon, finalement, l'ensemble rattrape bien ce combat et j'ai plutôt apprécié, ouais. Rien à dire, bonne action. Il y a Renaud aussi qui a bien apprécié ce match, mais il a regretté l'absence de Bill Alfonso. Là, tu trolls. Là, tu trolls vraiment parce que Bill Alfonso, il me manque, mais alors pas du tout. Ce mec m'a pété les oreilles pendant mon adolescence, donc bon, avec son sifflet. Rappelle quand même qui c'est le Bill Alfonso. Mais Bill Alfonso, c'était le manager de Rob Van Dam à la ECW et de Sabu aussi quand ils étaient en team. Et à chaque prise, tout début de combat, pendant tout le match, en fait, pratiquement, il était toujours en train de siffler. Un petit gars tout maigre avec des dents pourries et une casquette sur la Ah tête. oui, il y avait Jimmy Hart avec son haut-parleur, bah, il y avait Bill Alfonso avec ses Ouais, sifflets. je peux te dire que Bill Alfonso, son sifflet, il tuait l'haut-parleur de Jimmy Hart. Si tu fais un combat sifflé contre haut-parleur, c'est Bill Alfonso qui gagnait par KO. Et sinon, ce combat, moi j'ai adoré, ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. Parce qu'ils sont plus jeunes en plus maintenant, les deux mecs, et je trouve que franchement, le match était quand même très très bon. Moi j'ai connu les chefs-d'œuvre justement, parce que c'est pour moi des chefs-d'œuvre qu'ils ont livrés dans les années fin 90 à la ECW, j'ai vu ces combats. Et j'en ai noté trois. Il faut voir ceux à Hardcore TV en 98, celui à Living Dangerously 99, mais surtout, il faut poser ses yeux sur leur combat à Hardcore Even en 99, qui est magique du début à la fin. Ils ont fait quelquefois équipe aussi à la ECW, notamment contre les Impact Players. C'était Lance Storm et Justin Credible à l'époque. Mais quand même, quelle alchimie, quoi. Quand j'ai revu ce match-là, quel âge il a maintenant, Jerry Lynn? 49. 49 ans, quel combat. Quel combat de faire ça à 49 ans, c'est juste magnifique. Moi, j'ai surkiffé, vraiment, c'était super. Merci messieurs, merci Jerry Lynn, merci la TNA, c'est super. Et encore une fois, Renaud est tombé sur un bon match parce que en Van Damme à la TNA, ça a pas toujours été. Ouais, moi j'avais vu Rob Van Damme récemment là, à la TNA, j'avais pas trop apprécié. J'avais bien aimé quand même son petit combat contre Christian York, là, quand j'en parlais tout à l'heure, que Christian York avait catché 2 fois à Genesis. J'ai trouvé que là il était un peu plus impliqué. Sinon, oui, je sais très bien que ces derniers temps, j'avais été très déçu moi aussi par les matchs de Van Damme, mais là quand même, t'as senti qu'il a sorti le paquet pour son ami Jerry Lynn. Il y a tellement une alchimie entre les deux et du respect. D'ailleurs, on avait une petite interview après aussi dans le pay-per-view où ils parlaient tous les deux. Tu sens vraiment que Van Damme, là, il s'est sorti les doigts du cul et Jerry Lynn a été très bon. C'est franchement un gros combat pour à cet âge-là faire ça. C'est magnifique. Mais voilà, je vous conseille vraiment ces matchs-là de Hardcore Even, notamment en 99. C'est chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Je passe à Broussi qui va un peu troller sur le match. Un tout petit peu. Ben non, non, non, c'est pas sur le match, c'est sur le contexte. Parce que sur le match, écoute, Renaud a tout dit. Moi, je suis tout à fait d'accord sur tous les points avec Renaud sur le contenu du match. Ben, RVD, c'est très rare de le voir aussi propre. Donc, et puis Jerry Lynn, moi, j'adore parce que ben, lui, le temps n'a jamais d'emprise sur lui. Et c'est, ben, il avait été exceptionnel aussi, je me rappelle, il y a 4 ans à la ROH. J'étais très surpris de le voir à ce niveau-là. Déjà, à l'âge de 45 ans, il était énorme. Donc, surtout que lui, il a toujours eu un catch assez risqué parce qu'il était aussi des premières années de l'ex-division quand même. Et donc, voilà, c'est pas non plus l'invité spécial comme ça, quoi. C'est normal qu'il soit là. Mais ouais, le contexte du match quand même. Donc, à l'époque, Rovan Dam était encore champion ex-division. Mais sauf que depuis, il a coulé tellement d'eau que Rovan Dam n'est carrément même plus à TNA. Donc, c'est très paradoxal ça, d'une chose. De deux. Jerry Lynn, c'est sa tournée, c'est sa tournée d'adieu, quoi, avant sa retraite. Le problème, c'est que sa retraite, il l'a officiellement prise il y a 3 semaines chez lui, au Minnesota, à l'occasion d'un show qui lui était dédié. Donc ça fait un peu bizarre de le voir lutter 3 semaines après pour son dernier match à TNA, sachant que sa carrière s'est officiellement arrêtée. C'est les aléas des trucs enregistrés parce qu'il le savait pourtant, je pensais c'était programmé quoi, la fin d'Irine, mais voilà. C'est ça qui est assez curieux. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce problème de pay-per-view enregistré par rapport aux dates, par rapport à toutes ces Oh, bah choses-là. là c'est criard, hein, sachant que Lynn avait complètement arrêté avant la diffusion et Van Damme pas du tout à la TNA, donc bon. Bah d'ailleurs, il était présent, Rowan Dam, au Hall of Fame, il a dit lors de ce Hall of Fame qu'il pourrait revenir à la WWE ou à la TNA. À mon avis, ce sera plus dans la première que dans la deuxième. Je pense aussi, oui. Clairement, oui. Le truc, c'est qu'il a plus d'intérêt de rester à la TNA parce que la TNA part sur la route, alors que Rob Van Dam voulait venir à la TNA principalement parce qu'il n'était obligé de venir que 4 ou 5 fois dans le mois à Orlando. Et le reste du temps, il était libre. Alors que là, s'il doit repartir sur la route, je pense qu'il repartirait plutôt à la WWE. Oui, puis bon, question d'argent aussi, hein, mine de rien, hein, même si c'est Aussi, oui. pas. Bah ouais, un dernier run à la WWE, encore une rentrée d'argent pour Van Damme qui est bientôt sur la fin. Hein. À tous les coups. Hein. Est-ce qu'on a tout dit sur ce match? Ouais, je pense, ouais. À moi, oui. Hein. Moi aussi. Donc on va faire next, on va passer au main event, Austin Aries contre Samoa Joe. Alors pour un coup, je vais parler en premier sur ce match. J'ai moyennement aimé parce que dans la promo d'avant-match de Austin Aries en coulisses, Austin Aries promet le match de l'année. Sauf que moi j'ai trouvé ce match moyen. Enfin, moyen. Il est quand même très bon, enfin je veux dire, c'est un bon main event. Mais je veux dire, par rapport à l'affiche, Samoa Joe contre Austin Aries, je m'attendais à mieux. J'ai trouvé Samoa Joe pas très impliqué dans le match. Est-ce que vous allez. Bah oui, Alors là, j'ai trouvé qu'il alors manquait justement, bon d'engagement. d'accord, ça c'est ton avis, mais alors justement, moi je vais y aller à l'inverse. Ce qui est un peu différent de l'affrontement précédent qui avait été excellent pour le titre X-Division, c'était à Slammiversary de l'année dernière, il me semble. C'est que oui, à l'époque c'était très équilibré. Alors que là, j'ai trouvé que Austin Harris il y allait par petites touches parce qu'il était vraiment dans le rôle du heel. Alors que Samoa Joe, j'ai trouvé remarquable dans la conduite du combat. Donc c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Là, j'ai adoré Samoa Joe encore plus que lors de sa anniversary parce que il a pu montrer beaucoup de choses. À part le Muscle Buster qui est passé au travers là à la fin et c'est comme ça que ça s'est terminé par la malignerie, je dirais, de Austin Harris. D'ailleurs, qui manière originale de faire le tomber parce que Ah, un ce étant tout small droit, package c'est en étant debout là, c'est ça? ah oui, ah bah ça Ah c'est du ouais. Harry Jus, hein, qui est ah bah il arrive à te sortir des trucs, c'est assez atypique et puis c'est Ah ouais. spectaculaire, ouais. Non, mais voilà, bon, après leur match, il est intrinsèquement, on va dire, un peu en dessous de celui de sa anniversary parce que ouais, c'était clairement les points de comparaison, mais il tient quand même la route. Ah, voilà, ça, il n'y a pas, puis surtout par Samoa Joe. Renaud. Ben moi, je peux pas comparer puisque j'ai pas vu leurs affrontements précédents, mais en regardant celui-là, j'ai trouvé ça très très bon. Donc, oui, je rejoins aussi Bruce Lee, c'est Samoa Joe qui gère bien le match et Austin Harris. Alors, lui, il a une façon pardon, de vendre les prises que j'adore. Ben, j'adore ce gars, j'adore ce type. À chaque fois que je vois des combats d'Austin Harris, je me régale. Donc, les Atemi aussi de Samoa Joe, à un moment donné, il en fout un dans le dos là. Puis, il en fout aussi des Atemi alors qu'il est dans la barrière, qu'il tombe dans la foule Oh. parce qu'il prend des Atemi. Ouais, c'est des Atemi de dingue ça. Un truc de taré. J'ai adoré. Samoa Joe, c'est un big man exceptionnel. Physiquement, quand on le regarde, on se dit que le mec, il va être lourd, qu'il va être chiant, qu'il va être ennuyeux, mais c'est juste exceptionnel. Donc, je me suis régalé. Très bon main event. Pas le match de la soirée. Mais, et, ouais, au scénariste qui est un peu abusé en coulisses en disant que ça allait être le super combat de la soirée. Non, ça n'a pas été le super combat de la soirée, mais c'est quand même très, très bon, quoi. Très agréable à regarder. Donc, ouais. Bon point encore une fois pour moi. Sébastien. Ah, moi, je vais être assez bref parce que j'ai le même avis que toi, Vincent. En fait, comme je suis obligé de faire la comparaison avec ce qu'il y avait dans le passé, alors ce match-là est un peu en dessous de mes attentes qui étaient très élevées, vu que j'ai toujours connu du très bon Samoa Joe contre Cinarize. Là, c'était juste du bon Samoa Joe au Cinarize, mais pas du très bon. Après, faut pas oublier qu'il n'y a pas de storyline entre les deux, donc de ce côté-là, ça a peut-être contribué au fait que le match soit moins appréciable. Et le temps d'exposition était quand même assez conséquent. Je sais pas le temps exact, mais je crois qu'on doit frôler les 20 minutes. Ah oui, ils avaient du temps, oui. J'ai pas le temps exact non plus. Ouais, donc bien avoir 20 minutes, J'essaie hein. de trouver ça. Ça reste un très bon match, très bon main event, mais en dessous de mes attentes. Ouais. Ça Bon, dure bah. 18 minutes 18. Ah bah, on n'a plus Pas parlé les loin 20 des 20 minutes. minutes. C'est le match le plus long de la soirée. Tous les matchs Voilà. ont dépassé les 12 minutes, à part le Chavo Guerrero Rubik qui durait à peine plus de 5 minutes. Dieu merci. Est-ce qu'on passe aux notes? C'est parti. Je vais demander à Renaud en premier. Et je vais mettre 8. Eh bien, dis donc. Parce que ouais, je vais mettre 8 parce que moi je me suis régalé, j'ai passé une excellente soirée, à part le Roby, Chavo. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, bien sûr, des combats, mais ce tag team match avec Kazarian et Daniels contre Sanjay Dutt, pardon, et Petey Williams, je me suis régalé. Jerry Lynn contre Rob Van Dam, ça m'a fait grand plaisir de les revoir en forme tous les deux. Et le main event, Austin Aries, Samoa Joe, qui est très bon, et bien sûr ce match. Avec tous ces jeunes là qui sont allés chercher ce X accroché en l'air, c'était magnifique. Donc un bon 8 sur 10. Très bonne action in-ring. Aussi. 7 sur 10 parce que bon, il n'y a pas eu non plus de match exceptionnel niveau Moti, mais c'était très homogène niveau qualité in-ring, à part l'opener un poil décevant et puis évidemment le Chavo Robbie. Mais bon, voilà, c'est sur 2h45, ça va quoi. Et puis ça a fait plaisir de voir les clips, l'agencement du pay-per-view, c'était très bien fait tout ça, et les interviews, enfin, même globalement, ça gagne un demi-point de plus pour moi. Donc voilà, 7 sur 10, ouais, c'est mérité, quoi. Sébastien. Moi, je vais mettre la note entre Renault et entre Brusty, c'est-à-dire un 7,5, parce que j'ai très, très apprécié la soirée. Tous les matchs sont agréables, à part le Roby Chavo, comme on l'a dit, et l'opener qui me déçoit un peu. Mais dans les One Night Only, c'est le niveau in-ring qui est demandé, et on l'a eu ce soir-là, donc un bon 7,5. Moi, je vais rejoindre Brusty, je vais mettre un 7. Parce que j'ai pas trouvé le hype super. Parce que c'est un pay-per-view quand même. Surtout de cette qualité. Encore, ce serait un pay-per-view moyen qui veulent passer en discrétion. Ça serait passé. Sauf que là, X-Division, c'est un super pay-per-view. Ils en ont pas beaucoup parlé, à part sur leur site. Il y a des bons matchs. Même si l'opener, j'ai pas trop aimé. Le match 1 contre 1 entre Robbie et Chavo, forcément, j'ai pas aimé. Et j'ai trouvé le Rob Van Dam Jerry Lynn un peu réchauffé, même si j'ai bien aimé. Hein. C'est un bon match, surtout par rapport à l'âge de ces deux messieurs et par rapport à l'implication qu'on a d'habitude de la part de Rob Van Dam. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un bon pay-per-view sans être exceptionnel. Donc un 7 pour moi. Donc ça nous fait Une moyenne, oui. une petite moyenne. Donc sur 10, ça nous fait. Attendez. 7,375. Merci beaucoup. Et Sébastien qui a calculé. C'est ça. Reste Radio vous recommande ce pay-per-view. Voilà. Bah, vous regardez les 4 derniers matchs, plus le match old school contre new school, et vous passerez un bon moment, c'est clair. On enchaîne avec Impact Wrestling à Corpus Christi dans le Texas. Comment vous avez trouvé la foule dans un premier temps? Moi, j'ai trouvé plutôt bonne, je sais pas vous. Bah oui aussi, oui, Ouais, impliqué, ça allait, ça. impliqué, ouais. Ça apporte du dynamisme, clairement, de toute façon, les shows comme ça. Sur la En route? plus, c'était un live, parce que ça faisait 2 semaines de suite, je crois que c'était les shows qui étaient enregistrés Non, à je chaque. crois que à chaque fois ils sont. Enfin, quand ils sont dans une ville, ils enregistrent deux shows. Le premier en live et le deuxième est enregistré, je crois. Ouais, C'est ça, voilà. ouais. Non. Ah oui, bah, Chicago, c'était ça, donc j'avais mis un show de trop alors. Mais voilà, ouais, c'était un show en live, donc ça aide aussi à l'ambiance électrique. Et puis, programme, globalement, de toute façon, a eu de quoi un petit peu émoustiller la foule, quoi. D'ailleurs, il s'est passé beaucoup de choses dans ce Impact Wrestling. La première chose, c'est les titres par équipe qui ont changé de main. C'était Bobby Roode et Austin Aries qui avaient les ceintures. Ils affrontaient Chavo Guerrero et Hernandez. dans un match au meilleur des trois manches. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé ce match puisque les deux premières manches sont passées en très vite, en moins d'une minute, c'était bâclé. Et si les Chavo Guerrero et Hernandez perdaient le match, ils devaient ne plus combattre en équipe. Donc le titre, enfin le changement de titre est logique pour moi parce que je voyais pas Chavo évoluer en solo, encore plus pour Hernandez. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match et de ce changement de titre, Renaud? Ben, j'ai eu peur aussi comme toi au début. Ça s'est très vite passé les deux premiers tombés. Bon après c'est sûr c'est Impact Wrestle donc il y a beaucoup moins de temps que sur un Impact pay-per-view. Wrestling. Impact Ouais, Wrestling, c'est notre travers. émission. Ouais, c'est l'émission ça. Impact Wrestling et donc il y a beaucoup moins de temps que sur les pay-per-view. Pour développer les matchs c'est plus compliqué. C'est pour ça que ça s'est très vite passé au début. Alors je me suis dit ah mince. Finalement derrière c'était quand même ça a pris un bon petit rythme et j'ai bien aimé la suite du match. Mais c'est pas non plus un match extraordinaire. C'était pas mal. C'était un bon opener. J'avais peur que ça soit bidon, mais finalement c'était pas mal. Et oui, pour Chavo, c'est logique. On préfère à la limite aller le voir par équipe que le voir seul, hein, clairement. Ah, moi ça m'a pas trop dérangé le début de match avec deux tombées rapides parce que c'est ça sort un petit peu de l'ordinaire de la formule classique des two out of three falls match et je trouve que c'est bien passé pour mettre de la heat sur l'équipe de Harry Zero d'entrée de match. C'est plutôt sympathique, une bonne histoire également qui a été racontée. Après Hernandez aussi que je trouve qu'il fait actuellement des très bonnes performances depuis plusieurs shows, donc ça c'est un bon point. Scénariste et Bobby Roode, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, c'est toujours du très bon. Et pour une fois, également, la foule qui a réagi, qui a très bien réagi à l'équipe de Guerrero Hernandez. Alors, elle avait du mal à En réussir à même obtenir des temps, réactions. Corpus Christi. ils sont rentrés avec le drapeau du Texas, donc ça Yeah. aide. Bon, après, les deux sont natifs du Texas, hein, mais forcément, ça aide. Un petit peu, voilà. Après le changement de titre, on va dire qui me dérange un peu. Je suis d'accord avec le fait qu'Austin Aries et Bobby Roode perdent les ceintures, mais pour les remettre sur Guerrero et Hernandez qui les ont perdus il n'y a pas très longtemps, Problème, c'est qu'il n'y a pas je vois. d'équipe. Ouais, voilà, c'est ça, on en revient à chaque fois à la même chose dans les Impact Wrestles. Il n'y a pas d'équipe actuellement, donc que faire de ce côté-là? La preuve de ce pay-per-view qu'on va avoir le mois prochain dans One Night Only, c'est que enfin, les équipes au départ, c'est des équipes, on va dire, qu'on a placées dans un mixeur et qu'on C'est fait à la redispose va-vite, sur la quoi. table. Non, enfin, le concept, c'est qu'on met des équipes qui n'ont jamais été faites avant, je crois. Ah bah si c'est le concept alors il n'y a pas de problème. Mais justement, Si on enfin, prend. ils ont même s'ils auraient voulu faire des équipes, on va dire, régulières au départ, ça n'aurait pas Ils été en avaient pas possible. assez. Ben non. Parce qu'en équipe, on a quoi? On a Chavo Hernandez, Bobby Roode et Austin Aries. Kazarian Daniels. Oui. Bon, on peut faire une équipe Douglas Williams, Kid Cash. Même si Kid Cash est plus là. Mais c'est tout, quoi. Ouais, Enfin, voilà, ouais. Donc bon. après, à part faire une équipe, je veux dire, de champion, enfin de catcher exhibition pour remplir. Je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ouais. Bon, si, sur ce match. Bah, le suspense du match ne faisait ouais, pas trop d'effet, enfin, parce que la TNA, elle aime bien faire plaisir au public local, donc voilà, le Texas, Texan. Moi, je suis un peu comme toi, c'est vrai, un peu dérangé par le fait que ou Renaud, je crois aussi, que les deux tombées soient arrivées très vite. C'est Renaud et moi, parce que Match. Sébastien n'est pas dérangé. Mais bon, c'est vrai que d'un autre côté, c'est vrai que c'est l'originalité parce que d'habitude, le premier tombé il arrive tardivement et ensuite les deux autres, ben, les deux derniers, ils arrivent très vite. Mais c'est surtout le deuxième tombé qui est arrivé trop vite à mon goût parce qu'il est assez couillon, quoi. Mais sinon, bah ouais, j'ai beaucoup aimé le match, enfin, beaucoup, pas non plus, voilà, extraordinaire, mais une heure correcte. Et bah c'est surtout Hernandez, ouais, c'est vrai, avec ces deux, notamment ces deux Air Max qui sont inspirés des Air Italia de Marco Corleone à la CMLL. Donc voilà, bah, pour lui c'était sympa qu'il continue par équipe. Et puis pour que Chavo reste, de toute façon, il n'y a que ça, je pensais, donc qui est viable. Sinon, ça me laisse dubitatif, on va dire. De toute façon, moi, le par équipe, ça me laisse dubitatif depuis facilement un an, peut-être même un peu plus. Je sais pas vers où ils veulent aller. Marco Corleone, c'est l'ancien Mark Jindrak à la W2. Oui, aussi, ouais. Mais qui n'a pas pu vraiment s'illustrer comme cela à la W2. Oui, non, il était un sous-fifre de Kurt Angle, mais sinon, pas plus. Je vais poser une petite question, peut-être une colle à Renault. Est-ce que tu as déjà vu des matchs comme ça au milieu des trois manches par équipe? C'est une bonne question, ça. Bon, ça me vient pas en mémoire, mais j'ai dû en voir, je pense, hein, avec tous les matchs que j'ai vus à la WWE, ce qu'ils l'ont fait. Je sais plus. Pourquoi t'as la réponse ou... Non, je... question comme ça. Ah, Une colle. d'accord. Ouais, ben bonne colle. Je te remercie. Donc tu nous répondras dans le prochain Impact Wrestling. Ah voilà. Évidemment, quand on regarde un lucha libre, là, c'est Légion, ce genre de match, mais sinon. Oui, Oui, non, mais je voilà. veux dire à la TNA ou à la Drew. À SummerSlam 90, il y avait la Hart Foundation contre British Bulldog, Two Out of Three Falls. Et ben voilà. Et bah dis Moi, j'ai donc. pas vu le match Voilà. personnellement, mais j'ai fait une recherche rapide. Et bah voilà, c'est passé un coup le bec à Voilà. Renault. Monsieur Stat a frappé. Seb m'a grillé. Son ordi aussi, d'ailleurs. Ouais. On va passer quand même à la suite avec, je pense que ça va être un passage assez rapide. Taryn Terrell qui a fait ses débuts dans le ring. Je vais passer la parole à Sébastien, son fan numéro 1 en Ah France. non, mais j'adore Taryn Terrell, mais sauf quand elle est dans un ring en fait, donc c'est ça le problème. Parce qu'en tant que catcheuse, je vais pas nier qu'elle est assez En terrible, fait, même en tant qu'arbitre, alors. Taryn Terrell, tu l'aimes bien quand elle est dans Playboy ou dans ton lit. Ah, ouais, ça je dis pas non. Non, mais je suis objectif aussi, et je sais que dans le ring, c'est pas possible, hein, donc. C'est pire que Velvet Sky, j'ai même envie de dire, alors. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve, enfin, les prises qu'elle a fait, c'est pas mauvais, quoi. Enfin, voilà, elle fait bien sa planchette japonaise. Après, je sais plus ce qu'elle fait, mais bon, elle fait un ou deux trucs, ça va. Le problème, c'est que entre deux, elle sait pas remplir, quoi. C'est ça, exactement. Alors, moi, je vais rapidement résumer en quelques petits mots par-ci par-là, un peu dispatchés. Alors, c'est apparemment l'avenir des knockouts à la TNA, donc RIP. C'est très bien l'orientation qu'ils prennent. D'ailleurs, au niveau knockout à la TNA, c'est impeccable. S'ils veulent couler, ils s'y prendraient pas mieux. Deux, refaites de partout. Trois, roll up time. Voilà. Je résume. Le 3, on n'a pas trop entendu. Roll up time. Bah, Velvet Sky, quoi. Elle a été apprise à la bonne école. D'ailleurs, j'ai parlé. Un... Kelly. Oui. AW, elle a pu apprendre ça aussi. Oui. Tiffany. Oui. Et d'ailleurs, la semaine prochaine à Impact, on aura un match pour désigner la challenger pour le titre Knockout. Et je te rassure, Brusty, Mademoiselle Terrell ne sera pas dans ce match. Ah ouais. Il y Mais aura une bon. revenante, hein, par contre. Misty Smacker ou Madison Rayne? T'as une des Eh deux. non. Ben, il y en a une des deux qui est enceinte, donc c'est pas trop possible. D'accord. Ah, t'es pas Bah, au courant? Misty Smacker, alors. Oui. Non, mais non, mais on sait jamais. Tu sais, on a déjà vu des lutteuses enceintes qui luttaient à un certain moment. Surtout que la TNA, elle a les contrôles. Non, elle contrôle pas. Oui, non, mais bon, là, quand même, je pense que Bah, si elle n'avait pas dit qu'elle elle va était pas enceinte, risquer, il elle aurait va pas pas risquer lutté. un homicide involontaire. Enfin, même si je pense pas que Madison Rayne ait Bah dans oui, son d'ailleurs, je process fais un assez petit avancé, mais quand aparté, même. voilà. Mais quand tu vois la TNA, ils ont rien fait. Par exemple, quand il y a eu Scott Hall, bah voilà, écoute, c'est sa petite dédicace à Oui, mais Renault, quoi. je pense quand même qu'ils maintenant ils font gaffe. Surtout avec l'événement Jeff Hardy. Ouais, ben merci Kurt Angle aussi qui s'en occupe. Non, non, mais les lutteurs, ils sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas de contrôle, fait livrer. Bah, c'est-à-dire débrouillez-vous bien et puis débrouillez-vous entre vous et puis basta. Oui, tu sens que c'est un Out. peu moins, comment dire, carré que la WWE en coulisses, quoi. Carrément. Parce que le truc de Jeff Hardy qui est arrivé, ça serait jamais arrivé à la WWE, clairement. Non, Et mais puis c'est Scott Hall pas. ne serait jamais revenu dans cet état-là non plus, hein, donc. Bah oui, voilà, il a lutté, c'était pas possible, quoi. Enfin bref. Ouais. Et vite fait, qu'est-ce que t'as pensé, Renaud, de ODB, l'arbitre? J'aime pas cette fille. Enfin, cette fille homme. Je Cette supporte pas. camionneuse. Cette camionneuse, j'aime pas du tout. Je kiffe pas du tout. C'était elle qui était avec Eric Young, non? Oui. Voilà. D'ailleurs, normalement, elle est toujours championne de par équipe. Hein. Knockout. Non, j'aime pas du tout, donc bon, rien à dire. On va passer à la suite. On va faire next. Avec la décision d'AJ Styles. Enfin, décision. Il était censé la prendre. Ça va aller C'est vite, ça aussi. ce qu'on nous avait promis. Ce que Hulk Hogan nous avait promis. Finalement, il s'est rien passé, quoi. Bah, Sébastien. l'organisation normale. Ah, Bon, bah, vas-y, Bruce, c'est pas grave. bah, disons que je vais y aller rapidement. Le segment était sympa, mais on n'a rien appris. Juste qu'il y a beaucoup de, encore plus de camps maintenant qui s'opposent et que bah, il y aura un match contre James Storm la semaine prochaine. Voilà. Le truc, c'est qu'on attend en fait la décision de AJ Styles depuis un mois. Ça fait un mois qu'on nous dit chaque semaine qu'il va enfin nous dire sa réponse. Et c'est vrai que ça devient un petit peu redondant de chaque fois. Ah ça, je les comprends, ils vont pas dévoiler tout de suite. Faut quand même Non, ils vont faire faire. durer le truc sur la Mais longueur. après, dire la décision d'AJ Styles, jeudi à Impact, je pense qu'ils auraient pu se. Ils auraient dû titrer ça Hulk Hogan confronte AJ Styles, ils auraient été plus En vrais fait, quoi. le truc, c'est que c'est à chaque fois la même chose. C'est Hulk Hogan qui vient, qui convoque AJ, et ensuite James Storm qui intervient. Enfin, c'est à chaque fois la même chose. Et au final, on n'avance pas beaucoup. Mais j'espère en tout cas que AJ rejoindra peut-être les Aces of the Nights, parce que je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à voir. Parce que on se dit que c'est totalement impossible de voir AJ dans ce clan. Et s'il y est, je pense que ça peut montrer des développements assez intéressants. Donc, je suis très curieux de voir ça. Moi, j'ai ma petite hypothèse sur ça. Je pense qu'il va rejoindre personne. Je pense qu'il va faire un petit discours du genre j'en ai marre d'être dans les clans. Parce que c'est vrai que au fil des années, il a remporté quand même pas mal de titres. Mais il a toujours été dans un clan. Il a été dans la team TNA contre la Season 8 il y a quelques mois. Avant, c'était Fortune contre Immortals. Et avant, c'était Frontline contre Main Event Mafia. Donc ça fait un peu beaucoup, quoi. Je pense qu'il va dire j'en ai marre d'être tout le temps. De devoir tout le temps être le bon gars à aider les gens. Moi, c'est ma carrière que je veux, sur laquelle je veux me concentrer pour essayer de retrouver un titre de champion du monde poids lourd à la fin de l'année quand je serai, quand il n'y aura plus cette suspension. Ouais, ça me semble fort plausible ce que tu dis, Vincent. Bah, en plus, c'est dans le style de construction du truc, t'as vraiment l'impression qu'il va être saoulé, il va être gavé par tout le monde et il va être l'électron libre, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti sur le segment. Et, bon, le segment, il est assez quelconque, mais à la limite, j'ai trouvé que c'était le meilleur truc de la soirée, en dehors des matchs, hein, bien sûr, Et puis en segment. en plus avoir un heel fort en dehors des Seasonates, ça me permettra de faire une rivalité parce que remettre un mec dans les Seasonates, ça ferait quand même tentaculaire quoi. J'ai l'impression qu'ils sont trop à lui offrir à chaque fois le blouson, à aller le voir et tout. Je pense pas que ça va se Ah faire. moi aussi. Ouais. Bon, si peut-être un mot à ajouter, non? Non, c'est bon, vous avez tout dit. Donc on va passer à la suite avec le gut check qui avait opposé la semaine dernière Adam Pearce à Magno. Adam Pearce, c'est un vétéran des circuits indépendants. Magno, c'est un lutteur assez jeune, assez grand aussi, un luchador. J'avais pas aimé le match, pas du tout, parce que Adam Pearce, que j'aime beaucoup, avait fait de bonnes choses, mais peu de choses. C'était Magno qui était mis en avant, et Magno avait pas mal botché, alors que le match est assez court quand même. Et finalement, c'est Magno qui a été retenu entre les deux, et il n'a pas été pris dans l'ordre du go-check. Il y a eu deux non contre un oui. Non, enfin, non, oui, non, non, c'est Non, deux non, non, point non, part. Vincent. Oui, Deux y a non, pas eu point de oui, part. enfin il y a eu deux noms et puis c'était fini Il y a eu quoi. deux noms, et je pense qu'Al Snow, il était vraiment d'accord avec les autres, je pense, hein. Oui, Enfin, non, moi, je mais me deux suis. noms, de toute façon, c'est deux noms, il n'y a pas besoin de savoir la Oui, de liste. toute façon, oui, il continue pas derrière, parce qu'il y a deux noms. Mais je pense franchement qu'Al Snow sera allé dans cette décision-là, j'ai l'impression. Mais moi, j'en étais sûr de ça, hein, qu'ils Oui, allaient lui dire oui. non. Ben, de notre côté, moi j'estime légèrement sévère compte tenu du scandale qui avait lieu avec Leigh Tappa. On est un peu dans un contexte et je vais laisser, je pense, Sébastien développer une théorie à propos de ça à laquelle je suis tout à fait d'accord. Ah oui, parce qu'il y a une théorie actuellement qui se développe comme quoi les perdants, entre guillemets, des gut checks seraient réintégrés dans la TNA par la voie du clan Aces of the Nights. En fait, les anciens perdants seraient tellement frustrés, parce que je me rappelle également de Evil-Lys, par exemple, qui avait remporté son gut check. Là, Adam Pearce a également remporté son gut check, mais tous les deux n'ont même pas passé le premier tour des délibérations du jury. Et donc, c'est fort probable qu'on les reverrait sous les traits des Aces and Ace par la suite, qui viendraient les recruter, pardon, justement, basé sur cette frustration. Mais ça, je comprends pas Est-ce qui parce me que. plaît assez? Ben si, ça redynamiserait de toute façon le clan parce que les Oui, gars mais Bishop. attends, après, ils vont Mais être attends, combien après? ils vont finir à combien Ouais, voilà ce que j'allais dire. Ils vont être à 20 Non, après. non, mais à mon avis, ils vont remplacer parce que Garrett Bischoff. Garrett Bischoff, lui, je le vois pas viable à terme. Voilà. Oui, mais ça, c'est ce C'est qu'on aimerait décevant, Arcus. tous. Mais à mon avis, ce clan, il est voué peut-être à se renforcer un tout petit peu, voilà. Peut-être qu'ils ont besoin du knockout justement pour lutter contre une autre knockout. Ouais, mais Genre au niveau des Vanesman. mecs, il y a Bully Ray, champion du monde poids lourd. Devon, champion de télé. Mister Anderson, Knox, comment il s'appelle? Lou Gallows, Doc. Doc, Ouais, le doc, ouais. Wes Briscoe, Garrett Bischoff. Ça fait déjà 7 quoi. Mais à mon avis, c'est un groupe. Ben, ouais, mais justement, pour pas lasser, Je pense qu'ils vont un petit peu bouleverser le groupe. N'oublie pas Mr. Anderson aussi. J'ai déjà dit. Ah, La pardon. NWO à l'époque, ils ont commencé à prendre beaucoup de gens et finalement ils ont lassé. Donc après, c'est une autre époque, c'est une autre période, c'est vrai. Je sais pas, moi, j'attends de voir comment ça va se passer, mais je me dis que c'est peut-être pas la solution de ramener des gens en plus dans ce clan. Mais le Ça risque groupe de est faire beaucoup. parti pour durer, je pense, jusqu'à Bound for Glory. Donc forcément, il y aura des mouvements dans ce clan. Déjà, Mike Knox, à mon avis, il va pas rester jusqu'au bout. Parce que c'est celui qui est le moins exposé. Et il a déjà fait perdre plusieurs fois son équipe. Donc je pense qu'il va se faire renvoyer au bout d'un moment, par exemple. D'accord. Donc il faudra le remplacer. Et Garrett Bischoff, j'espère aussi. La semaine prochaine, il y aura Kurt Angle contre Garrett Bischoff et Wes Rico. Alors, dans les rêves. Oui, non, mais j'ai vu les spoilers. Je peux te dire que c'est pas un rêve. Malheureusement, ouais. Bref. Je sais pas Bah comment ça va écoute, se passer, mais à mon avis, ce sera pas une rêve connerie trop tard. comme un lockdown avec le match West Pisco Kurt Angle. Mais bon, voilà, ouais. Non, mais le gut check, bah ouais, Magno. Bon, mais c'est vrai qu'il n'a pas le style pour le catch américain. C'est un luchador pur. Lui, par contre, il régale au Mexique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour le catch typé comme ça, c'est pas sa place. Il régale au Mexique, pourtant il a fait deux botches quoi. Et surtout le deuxième qui m'a assez choqué, le Ouais, mec a mais pas assez tourné. Vincent, combien de fois Sin Cara a botché à la WWE au Oui, Mexique? C'est une vraie voilà, c'est légende. pas Donc, si tu pareil. vas Oui, par là, d'accord. c'est. Ouais. Mais c'est des Ouais. gars, quand ils sont dans leur confort, face à des gars qui luttent comme eux, ben voilà, là ils régalent. Mais quand ils sont. Ben, ils ont du mal à se mélanger aux autres styles, enfin, comme ça du premier coup, quoi. S'ils travaillent pas, ben voilà. Et lui, il était apparu, mais c'était la World Cup à l'époque, Team Mexico, c'était en 2008. Ben voilà, c'était Team Mexico, il était encore dans son environnement mexicain. Est-ce qu'on passe au Full Metal Mayhem? Ouais. Donc ce Full Metal Mayhem, en gros, c'est un TLC. C'est juste Oui, que... précision, oui, parce que Tables, Ladders et Chairs, c'est une marque déposée par la WWE, donc forcément, toutes les autres fédérations depuis bien longtemps n'utilisent pas ce terme-là, mais c'est clairement ça, donc voilà. Donc qui opposait Bully Ray, le champion poids lourd, qui remettait son titre en jeu contre Jeff Hardy. Jeff Hardy qui a été choisi par Hulk Hogan, pardon. Même s'il a remporté un truc à 4, on sentait Non, bien non, que. non, non. Non, ben il n'a pas été vraiment choisi parce qu'en fait, c'est Il a Jeff remporté Hardy quand même. un four Oula, way, oui. mais c'est lui qui Non, l'a mais c'est remis en Hollande. jeu alors qu'il avait quand même sa clause de revanche. C'est ça, oui, voilà. Donc, non, non, Hulk Hogan ne l'a pas choisi. Donc en C'est gros. Jeff Hardy lui-même qui a voulu se foutre en match au milieu alors qu'il aurait pu invoquer sa clause de rematch d'entrée, quoi. Donc comment vous avez trouvé ce match, Tiamboussi? Bah, du classique, enfin du classique, bah, truc dommageable à la table. Bon, bref, je vais pas y revenir là-dessus, je vais te laisser d'autres le faire à ma place. Mais c'est surtout, moi je noterai dans ce match, bon, qui est un résultat évidemment méga logique, ça c'était couru d'avance, que, après il fallait savoir comment ça allait finir avec l'aide de Taz, donc au commentaire. Mais Jeff Hardy, qu'est-ce qu'il a pris encore? Mais lui, c'est dommage contre Bully Ray, entre Lockdown et là, qu'est-ce qu'il a pris à chaque fois? La vache, j'ai l'impression. Bah, il a tout pris. Il a vraiment tout pris. Et il a de bout en bout, quoi. Même à la fin, heureusement qu'il tombe bien sur la table parce que c'est pas gagné. C'est lui qui dispose tout, c'est lui qui fait tout, quoi. Un peu, c'est incroyable. Mais même si Bully Ray, là, il contrôle aussi en taulier, mais Jeff Hardy, qu'est-ce qu'il prend? C'est décapant, quoi. Renaud, toi qui as vu beaucoup de TLC et qui aime bien Ouais, Bully Ray. mais ouais, pour un combat en show weekly, j'ai envie de dire que c'est quand même sympa. J'ai trouvé que c'était un combat sympa. Bon, après ce truc de la table, oui, moi j'ai envie d'en reparler. C'est très con, hein. C'est la table qui se casse toute seule une première fois. Enfin, quand Bully Ray se met dessus, ça se casse déjà. Et puis Jeff Hardy qui repart jusqu'à l'entrée de l'arena pour aller chercher une autre table. Parce qu'il avait déjà placé celle qui allait sur laquelle elle est tombée, elle était déjà dans le ring. Donc il part jusqu'à l'entrée de l'arena, il va chercher une table, il la refoue, et là c'est Bully Ray qui tranquillement se fout sur la table avec une délicatesse extraordinaire. Donc, alors je comprends qu'il a pas envie de péter la table Bully Ray, qui fait un certain poids, mais c'est surtout en fait la TNA qui me dérange sur ce coup-là de filmer de près comme ça, de cadrer le catcheur de très près. C'est super flag, ça m'a quand même gêné. J'avais déjà vu des catcheurs se faire des blade jobs en plein écran aussi à la TNA, Kurt Angle notamment, qui est en train de se couper le front et c'était filmé en gros plan. Ça me gêne un peu au niveau réalisation, mais sinon oui, je veux pas non plus chipoter. À part ça, pour un combat de cette qualité-là avec cette stipulation-là en show weekly, c'est quand même fort appréciable. Après, c'est sûr que niveau suspense, bon, c'est quasiment mort. On sait que Bouliré, il va conserver, à ma grande joie, puisque ce mec-là, je suis un gros marque de Bouliré. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui aussi, hein, c'est pour Bouliré. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec Renaud sur ce point-là. Finalement, j'avais presque plus de doutes sur le cas Brooke Hogan, parce qu'il y a pas mal de théories qui se développaient comme quoi Brooke Hogan allait turner également et rejoindre Bully Ray dans son clan en aidant par exemple de Bully Ray à remporter ce match-là. Moi j'ai jamais trop cru à cette théorie et finalement, fort heureusement, ce n'a pas été le cas ce soir-là. On pouvait en douter, mais bon, ça ne s'est pas fait. Après, le résultat, quant à lui, était couru d'avance, j'ai envie de dire, parce qu'on va pas faire perdre Bully Ray aussitôt dans son règne. Après, je suis curieux de voir la suite. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme adversaire pour Bully Ray? Est-ce que ce sera encore Jeff Hardy? Est-ce que ce sera un autre? Curieux de voir de ce qui va se passer dans l'avenir. On va parler vite fait des ratings, puis après on va clôturer ce podcast. Les ratings qui ont été assez bas quand même, les plus bas de l'année 2013. Alors je vais retrouver ça tout de suite. Ça n'a même pas dépassé le score de 1. 0,97, non? Non, Oui, je crois, ouais. 0,93 avec À 93. 1 170 000 téléspectateurs, alors que la semaine dernière, il y avait 1,1 avec 300 000 téléspectateurs en plus. Oui, mais grâce au chiffre Sébastien, bah, c'est qu'ils n'ont pas bien vendu leur show. En fait, tout a été vendu sur Main Event qui a fait 1,13 de ratings, alors que le départ a été catastrophique à 0,75, je crois, quelque chose comme Oui, ça. c'est ça. Donc, mais on touche aussi les limites de la communication de la TNA, et puis le fait que peut-être aussi, je sais pas, c'est un ensemble, le fait d'être diffusé sur une chaîne du câble comme Spike TV, mais qui est depuis le début à la TNA, c'est pas le souci, mais peut-être que à force, le produit est un peu à l'étroit sur cette chaîne, donc peut-être qu'il gagnerait à toucher un peu plus de public. Évidemment, il n'arrivera jamais à, même pas à celui de la WWE, mais c'est sûr que ça peut pas progresser. Sébastien, ta théorie. Alors, j'ai pas de théorie cette fois-ci, mais c'est vrai que c'est très surprenant de voir qu'un show qui a été construit comme un mini pay-per-view faire le pire rating de l'année 2013. Moi, ça m'a clairement choqué. Je m'attendais à ce que les ratings soient en augmentation, mais alors là, voir ce score-là, ça m'a vraiment surpris. Ça prouve que les gens n'ont pas d'intérêt dans le show, à part pour le main event, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est rajouté juste pour voir ce match. Le reste du show a fait des scores assez terribles. Et donc, ouais, ça prouve qu'il faudra faire mieux par la suite pour construire une mid-card plus solide et pas que faire tout sur le main event. Donc je pense qu'on peut clôturer ce podcast. Oui. Donc on va donner la liste des partenaires. FN Lutte, Vox Catch, je crois que tu as écrit une petite review il n'y a pas longtemps sur Vox Catch, Brucey. Vox Catch, alors une petite review sur la ROH. Toi, tu as quand même reviewé, ça va sortir d'ici très peu, TNA Extravaganza, donc quand même, c'est le sujet. Prochainement, je ferai une review de NJPW qui va aussi être publiée. Il y a aussi la Wrestling Evolution League, le Twitter de Wrestle Radio, @Wrestle Radio, le Facebook, Wrestle Radio, entre parenthèses, officiel, le compte YouTube, sur lequel vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apatresseuse, en tout cas les plus récents, ceux aussi de Sunday Night Wrestle et autres podcasts. Le iTunes, bon, iTunes, apparemment, d'après notre pote MP, on a quelques problèmes ces derniers temps dessus, il s'en occupe. Instant Catch. On a commenté deux matchs de Extravaganza, le Team X avec Kenny Kingsley Mayon, Mason Andrews et Rubix, et le match par équipe entre Douglas Williams et Kick. Non, entre Bad Oui, Influence pardon. et Petey P.T. Williams. Williams. Oui, voilà, c'était PC Williams. Ouais. Après aussi Catchasium et Revolt. Catch Ultra On a aussi. Catch Ultra maintenant, depuis peu. Ok. Voilà. Donc on se dit à bientôt. Bah oui, à bientôt pour un prochain numéro. Bon, bah, on verra d'ici un mois et demi, peut-être pour la TNA. D'ici là, il y aura eu le Joker, ce White Card Tournament qui sera tout début mai. Donc pour les Le équipes, donc 3, je crois. oui, Oui, mais de le toute façon, 3. c'est vendredi du mois, donc on ne peut pas se tromper. Donc voilà. Et puis, ben, retrouvez-nous très prochainement. Ben, déjà, un podcast exceptionnel avec Sylvain Garnalec. Et puis, un Indie Wessels aussi prochainement, et ainsi de suite. On vous tiendra au courant, bien sûr, sur le forum Wessels, Facebook de Wessels Radio et Twitter. Voilà. Donc on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Impact Wrestlers du côté de Wrestlers Radio. Ciao, ciao. Salut tout le monde.